Le rieur et les poissons. Fable 8 des fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Sarah Kilchor. Le rieur et les poissons. On cherche les rieurs, et moi je les évite. Cet art veut sur tout autre un suprême mérite. Dieu ne créa que pour les sots, les méchants diseurs de bons mots. J'en vais peut-être en une fable, introduire un, peut-être aussi, que quelqu'un trouvera que j'aurais réussi. Un rieur était à la table d'un financier, et n'avait en son coin que de petits poissons. Tous les gros étaient loin. Il prend donc les menus, puis leur parle à l'oreille. Et puis il feint à l'appareil d'écouter leurs réponses. On demeura surpris. Cela suspendit les esprits. Le rieur, alors de ton sage, dit qu'il craignait que sien ami, pour les grandes Indes parties, ne depuis un an fait naufrage. Il s'en informait donc à ce menu frétin. Mais tous lui répondaient qu'il n'était pas de nage, à savoir au frais son destin. Les gros en sauraient davantage. N'en puis-je donc, messieurs, un gros interrogé, de dire si la compagnie prit goût à sa plaisanterie. J'en doute. Mais enfin, il les sut engager à lui servir de monstre assez vieux pour lui dire tous les noms des chercheurs de monde inconnus qui n'en étaient pas revenus et que depuis 100 ans sous l'abîme avaient vu les anciens du vaste empire. Fin de la fable 8, Le rieur et les poissons. Cet enregistrement fait partie du domaine public.